Alors, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Au nom du Centre de l'Universalité ainsi que de son personnel, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de Daniel Kemp intitulée Le combattant du Verseau. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Le combattant du Verseau. Ceci m'amène à penser, Daniel, que depuis que le monde est monde, l'homme ainsi que la femme, naturellement, combat continuellement. Et puis, plus on avance en spiritualité ou en ésotérisme, on s'aperçoit que dans l'évolution, il n'y a pas de break. C'est un combat continuel. C'est toujours un combat. Maintenant, le combattant du Verseau. Beaucoup de gens s'attendent à ce que, ayant atteint un certain point, on va arrêter de combattre. On va relaxer. On va voir ça comme certaines représentations qu'on a eues dans la haute spiritualité où c'est calme et tout le monde est en harmonie, ainsi de suite. Mais si on étudie, comme je mentionnais tantôt, l'histoire, on s'aperçoit que ça n'existe pas. Ainsi que la jungle. Si on regarde le règne des animaux, c'est toujours un combat. Alors, dans le Verseau, qu'est-ce que c'est qui nous attend en fait combat? Bon, je décrirai pas qu'est-ce qui attend l'homme parce que l'homme risque de pas vouloir y entrer. L'évolution conventionnelle spirituelle nous porte à croire qu'à un moment donné, on va pouvoir, comme tu le dis, se calmer, être non violent, vivre en harmonie, vivre en paix. On a fait déjà un congrès d'études sur la paix et où j'avais déclaré que le mécanisme de la paix c'était lorsque l'homme n'avait plus aucune relation avec l'extérieur. Parce que pour être en paix réellement, faut que tu sois seul dans un univers presque inexistant. Parce que s'il y a un courant d'air, tu peux le trouver pas à ton goût. T'es plus en paix. S'il y a une fleur qui pousse, tu peux la trouver pas trop belle. Ou belle et avoir peur de la perdre. T'es plus en paix. Pour que l'homme arrive à être en paix, faut absolument que l'homme soit dans une inexistentialité presque totale. De ce fait, sur la planète Terre, la paix n'existe pas. On a des moments de calme, on a des moments de paix, mais on n'a pas de paix. Et lorsqu'on parle d'évolution, on parle toujours d'une direction vers la paix, et on parle de, disons, d'adopter une éthique de non-violence, par exemple. Maintenant, est-ce que la paix et la non-violence, c'est la même chose? Ça, on s'est jamais posé la question. On répond oui si on se la fait poser. Mais on n'a jamais réfléchi à savoir ce qu'était la paix et ce qu'était la violence et la non-violence. L'évolution de l'homme tend, l'évolution spirituelle de l'homme, l'évolution de l'homme manipulée par l'astral, tend à amener l'homme à se laisser massacrer, à se laisser maltraiter au nom d'une éthique d'évolution, au nom d'une morale évolutive, mais non pas au nom d'une réalité. Parce que si on regarde le non-violent, pour être non-violent totalement, c'est-à-dire pour être une personne qui ne commet aucune agression envers aucune expression de vie. Ça, on pourrait dire, si on prend la morale philosophique de non-violence, que ce serait un non-violent. Cela veut dire que lorsqu'un maringouin te pique, tu le tues pas. Mais il y a un dilemme entre te laisser massacrer, est-ce que c'est de la violence ou de la non-violence, ou te défendre contre l'agresseur, est-ce que c'est de la violence ou de la non-violence? Quand est-ce pouvons-nous être réellement non-violents sur la planète Terre? Si je me fais envahir par un virus, je me laisse malade. Parce que si je tue le virus, je suis violent. Si j'expulse le virus, je suis violent. Parce qu'expulser un virus ou expulser un peuple envahisseur, c'est la même chose. Mais si je me laisse envahir par le virus et que je deviens malade, je suis violent avec moi. Et si je me défends, je suis violent avec l'extérieur. Donc, est-ce qu'il y a réellement un être non violent qui va sortir de cette révolution humanitaire qu'on connaît depuis le début des temps? Est-ce qu'un jour, on aura la paix? Est-ce que cela est possible d'avoir un être non violent dans un écosystème violent? Lorsque je respire ton air. Et lorsque tu inspires de l'air que j'ai expiré, et c'est normal. D'ailleurs, c'est un des grands facteurs de contagion, de maladies contagieuses. Je n'ai donc pas le droit de respirer un air pur tant qu'il y a quelqu'un qui en respire à côté de moi, ou un animal, ou une plante, ou quoi que ce soit. Si on parle d'évolution, moi, je pourrais dire que plus l'homme va évoluer, plus l'homme va devoir développer un esprit, une attitude de guerrier. Et là, certaines personnes pourraient dire, mais c'est presque démoniaque de penser que l'évolution crée des guerriers. Que l'évolution va créer des hommes qui vont être capables de se battre. Que l'évolution va créer des êtres, des surhommes, que l'être du Verseau va être un combattant. On va me prendre pour un fou. Ça serait beaucoup plus facile de passer le message que dans l'ère du Verseau, il y aura la paix. Il n'y aura plus de violence. Il n'y aura plus, on n'aura plus besoin d'avoir peur de se promener la nuit. On n'aura plus besoin d'avoir peur pour nos enfants. Ce sera un monde de paix. Mais sachez bien que ce que je viens de dire est vrai, mais faux. On n'aura plus peur de se faire attaquer. Parce que l'agresseur va se ramasser dans les poubelles s'il nous attaque. Et non pas parce qu'il n'y aura plus d'agresseurs. Parce que si on veut essayer de créer un monde global, un monde où il y a la paix, cela veut dire qu'on doit rentrer dans le même processus évolutif qu'on connaît, on doit imposer la paix par la guerre. Parce que la personne qui n'a pas le cerveau pour comprendre, la personne qui n'a pas le degré énergétique pour comprendre, si dans sa conscience tout à fait conventionnelle, dans sa conscience globale, dans sa conscience évolutive, Allah est ce qu'il y a de plus important. Et si au nom d'Allah, je suis capable de couper le nez de celui qui fume, je suis capable de couper la main de celui qui commet un petit larcin, je suis capable, par exemple, de dynamiser une collectivité et de leur fournir une clé en plastique qu'ils accrochent après leur cou, clé qui va leur ouvrir les portes du paradis d'Allah, à la condition qu'ils meurent pour promulguer l'islam sur la planète Terre, si je prends des enfants de 10 ans et je les envoie traverser les champs de mines irakiens pour faire sauter les mines, de façon à ouvrir le chemin à l'armée lourde après, qu'est-ce que moi, si je sors de ce pays et je m'en vais dans un pays de paix, comment dois-je vivre ma paix, ma non-violence, quand je me fais envahir par l'islam, par exemple, par l'Iran? Si on prend, par exemple, juste l'idée que ce peuple trouve tout à fait normal, le peuple, les dirigeants et ceux qui dynamisent le peuple, parce que c'est rarement le peuple, mais c'est quand même ceux qui dirigent, qui dynamisent, eux autres trouvent tout à fait normal de punir, de créer dans les familles des systèmes d'espions, où le père surveille ses enfants et dénonce ses enfants, où les enfants surveillent les parents et dénoncent les parents, et lorsqu'on a le moindre doute, on prend une personne et on la juge immédiatement, on la vide du 4/5 de son sang qui va servir à nourrir les blessés sur les champs de bataille irano-irakiens, et toi, on t'envoie à la pendaison ou on te fusille ou on te coupe en morceaux. Comme exemple, si on prend un peuple comme celui-là, qui a un degré d'évolution très normal, qui par rapport à notre conscience, selon notre endroit où nous vivons, paraît anormal, comment dans l'ère du Verseau, l'être qui se conscientise va-t-il être capable de vivre à travers l'invasion continuelle d'êtres qui n'ont pas encore atteint le degré de conscientisation? Un jour, toute la Terre aura, oui, mais en attendant, qu'est-ce qu'il va advenir de ceux qui auront cette conscience et qui seront supérieurs, disons, en vision, en conscience, à la collectivité qui voudra les détruire? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on doit être non-violent, pacifique, et se dire, ben, c'est pas grave, ils vont en tuer un milliard ou deux, et puis après, à un moment donné, ils vont comprendre? Ou si on doit s'arranger pour survivre? Qu'est-ce que c'est que le combattant, puis où on doit se battre? En somme, ce que c'est que tu es en train d'expliquer, c'est la même chose que dans l'ère du poisson. Pour une personne intelligente, il s'agit de survivre. Galilée a expliqué que la Terre était ronde. Il en est mort. D'autres personnes ont expliqué certaines choses. Ils sont pas forts aujourd'hui. Simplement parce qu'ils n'ont pas pris conscience de l'écologie, de l'écosystème dans lequel ils évoluaient, eux. Alors, lorsqu'ils ont pensé dire des choses qui ne pouvaient pas être comprises, ils ont résisté. Ils se sont battus pour leurs idées. Et ils en sont morts, si l'on peut dire, de toute façon, l'idée est restée. Mais est-ce que c'est intelligent de mourir pour une cause? Faudrait se le demander. C'est pas plus difficile de vivre pour une cause. C'est beaucoup plus facile de mourir pour une cause que de vivre pour une cause. Qu'est-ce que la violence vient faire? Qu'est-ce que la non-violence? L'idée, vois-tu, prenons, on parle de temps en temps des mouvements antinucléaires qui, la grande majorité, sont financés par les pays de l'Est. Lorsque l'Astral vient dire à l'homme que l'homme doit être non-violent, je ne parle pas de ce que le Nazaréen a déjà dit. Parce qu'il y a des choses qu'il faut comprendre, il y a des choses qui s'appliquent dans un temps, dans une condition et à un individu particulier. Et parce que astralement, cela frappe la conscience collective, on le note et on essaie d'en faire une éducation collective. Mais lorsque tu vois une personne qui, par exemple, veut... prenons un zélote qui va voir le Nazaréen et qui lui demande d'être le roi des zélotes, on parle de guérillera. C'est dans un contexte violent que s'est passée la vie du Nazaréen. Et lui va lui dire, tu dois aimer tes ennemis comme toi-même. Cela ne veut pas dire que la personne doit donner des cadeaux à ses ennemis lorsqu'elle voudra avoir des cadeaux. Cela ne veut pas dire que parce que la personne est masochiste, elle doit massacrer les autres parce qu'elle aimerait qu'on la massacre. Cela ne veut pas dire que parce que la personne aime se faire flatter les cheveux, qu'il faut qu'elle flatte les cheveux de ceux qu'elle rencontre. Aimer les autres comme soi-même, c'est autre chose. Cela veut dire que tu dois vivre avec les autres dans une relation qui est identique à la relation que tu vis toi-même avec toi. C'est ça que ça veut dire. Et le Nazaréen, lorsqu'il enseignait ça à un chef zélote, d'ailleurs, qui s'est remonté sur la croix avec lui, et qui a dit certaines choses sur la croix, il lui a parlé à lui, il n'a pas parlé à la collectivité planétaire. Lorsque le Nazaréen est rentré dans un temple et qu'il a mis tout le monde dehors, il était violent. Il n'a pas été dire aux vendeurs du temple, « Ah, je vous aime comme moi-même, paix, vous devriez vous en aller, mais si vous voulez pas rester là... » Tout est relatif. Bon, mais c'est parce que ce qui va arriver, c'est que si moi, je veux te voler chez vous, je vais t'enseigner que tu devrais avoir confiance à la population, que c'est pas nécessaire de barrer ta porte, que tu devrais acheter telle chose et telle chose et telle chose, que ça se passerait bien chez toi, tu rehausserais parce que ma tante les achète, après ça, elle t'est volée. C'est plus facile de voler chez toi qu'au magasin. Et lorsque tu seras suffisamment bien instruit, lorsque tes fenêtres resteront ouvertes, même quand tu t'en vas en vacances pour 2 semaines, lorsque tes portes resteront débarrées, lorsque tu auras immensément d'équipement, lorsque tu auras fait garder ton Doberman chez le voisin, ben là, je pourrai rentrer calmement chez vous, tout voler ce qu'il y a là et amener ça. Et lorsque tu vas revenir, tu comprendras pas ce qui s'est passé. Comment ça se fait que la société que tu connais, celle qui ne vole pas, comment ça se fait que dans cette société-là, tu t'es fait voler? Mais l'astral, c'est la même chose. D'éduquer l'homme à être non-violent, d'éduquer l'homme à ne plus lutter, d'éduquer l'homme à refuser le combat, d'éduquer l'homme à attendre qu'on vienne le sauver, ben c'est de l'illusion, c'est de la frime. L'homme se fait royalement avoir. L'homme se fait complètement perdre par l'idée qu'il ne doit plus lui-même se lever debout, chausser ses bottes, puis boire son verre d'eau. Mais c'est pas nécessaire d'être violent pour être combattant. Voilà. La violence, elle existe partout sur la planète. Là où il y a des guerriers et là où il n'y a pas de guerriers. Donc, la violence n'est pas nécessaire à l'attitude du guerrier. La violence, c'est une expression normale, disons humaine, pour l'instant, qui deviendra animale lorsque la majorité des humains auront passé par-dessus cet état psychologique. La violence, c'est un moteur, c'est une dynamo chez l'homme. Parce que l'homme qui, à un moment donné, accepte la mort, s'il sait que son pire ennemi est vivant, juste par la haine, il peut lutter, se guérir de maladies incurables, se sortir d'un pétrin incroyable, vivre jusqu'à temps qu'il va pouvoir assouvir sa vengeance. Mais l'homme qui se conscientise n'a pas le même degré d'énergie de vouloir lutter. Puis ça, c'est le gros problème. Celui qui se conscientise est prêt à mourir, celui qui se conscientise pas veut vivre. Puis il y a juste dans la vie que tu te conscientises. Fait qu'il y a un mot, t'as des gros problèmes. Lorsqu'on parle de l'attitude du guerrier ou du combattant, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait de la violence. C'est même nécessaire que le combattant du Verseau n'ait pas de violence. Est-ce que Moïse, on sait que Moïse était guerrier, est-ce qu'il était un guerrier violent ou non violent? Bon, Moïse était un guerrier qui était non-violent pour l'époque. Et il faut faire bien attention parce que c'est un guerrier colérique, orgueilleux, belliqueux, mais qui, pour l'époque, avait une attitude différente face à la guerre, c'est qu'il faisait une guerre intelligente. Ce qui n'était pas le cas de tous les guerriers de l'époque. Donc, par rapport... Parce qu'évidemment, on parle de Moïse qui avait une condition d'évolution particulière. Il n'a pas rencontré, à un moment donné, certaines personnes qui l'ont dirigé, des Melchisédek, pour rien. Parce qu'il n'avait pas tout ce qu'il fallait pour mener une guerre intelligente. Mais c'est quand même ce qu'il a quand même mené une guerre intelligente. C'est-à-dire qu'il avait une raison de se battre. Une raison qui permettait l'amélioration réelle du sort de l'homme. Une raison d'évolution, mais pas d'évolution psychologique, d'évolution réelle, matérielle et sur tous les plans. Il était colérique, orgueilleux. C'était un guerrier violent. Si on le compare à ce qu'a à l'idée de non-violence qu'on pourrait s'attendre. Si tu prends le Nazaréen, tu le compares à Moïse, ça n'a aucun sens. Oui, mais le Nazaréen n'était pas guerrier. Le Nazaréen était un maudit guerrier. C'était un combattant énorme. C'était... Un combattant, mais pas guerrier... Guerrier, si on parle de faire la guerre dans le sens avec des armes, un homme d'armes, un gendarme, non. Guerrier dans le sens où il luttait contre des ennemis incroyables, il a lutté contre Satan, il a lutté contre l'homme, pour l'homme, il a lutté contre plusieurs tentations de s'échapper d'un chemin qui l'aidait, finir sur la croix entre autres, qui aidait aussi l'humanité. Il était un guerrier. Dans ce sens. Si on regarde, par exemple, l'idée qu'on va se faire de la majorité de nos maîtres, je reviens souvent là-dessus parce que l'astral instruit la collectivité, toujours d'une façon voilée, c'est la réalité voilée. Parce que si on prend une légende, si on prend une tradition, si on prend un conte, si on prend une histoire, il y a toujours de la vérité, disons, même de la réalité cachée dans l'illusion du contexte de l'histoire ou de la légende. Si on regarde un maître, prenons le Nazaréen qui, à un moment donné, s'en va de Bethléem à une autre ville et qu'il se fait attaquer par des brigands. Des brigands qui sont sourds et aveugles, disons. Mais sont suffisamment, disons pas aveugles, ça complique les choses, mais disons sourds. Bon. Un aveugle peut être extrêmement dangereux, mais même très dangereux. Il se fait attaquer... dans une embuscade. Est-ce qu'il a su prévoir l'embuscade? Alors là, on le sait pas, parce que vu qu'on l'a pas compté dans le Nouveau Testament, comment pensons-nous que le Nazaréen réagirait si la nuit, passant quelque part, 50 brigands l'attaquent? Pour le tuer. Ils savent pas ce que c'est le Nazaréen, ils savent que c'est des voyageurs qui ont du matériel, ils veulent voler. Alors on peut dire, ah ben il aurait prévu... mais on le sait pas. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Et le Nazaréen ne serait sans doute pas mort, là. Ça aurait été trop stupide. Pas parce qu'on se refuse de croire que ça aurait été stupide. Parce que pour un initié, cela aurait été stupide de mourir là où il ne veut pas mourir. Parce que l'initié choisit l'heure de sa mort. Nazaréen aurait pu éviter la croix. Il a accepté la croix. C'est-à-dire qu'il en avait besoin. Il n'en est pas mort, mais c'est quelque chose d'autre. Si on regarde la grande majorité des contextes évolutifs qui nous sont venus de l'Orient, qui ont venu balayer l'Occident. Si on regarde les grands maîtres zen, si on regarde les maîtres du Shinto, si on regarde Confucius, qui a instauré le premier l'art du Kempo, qui s'est transformé après sous le nom de Kung Fu, et son nom à lui était Confucius. Si on regarde les moines Shaolin, régis par Confucius, si on regarde la majorité des yogas, qui à l'origine étaient des arts de combat et qui par la suite ont dégénéré ou se sont perfectionnés selon les écoles de pensée en mouvements stables d'exercice physique. Si on regarde Tai Chi Chuan que certains vantent, c'est un des arts du Kung Fu les plus dangereux. Fait partie du Kung Fu selon la voie souple et non pas selon la voie dure avec la main de fer, mais ce sont des arts de combat. Et les hommes qui pratiquaient ces choses, qui devaient transformer le corps pour permettre l'évolution, c'étaient tous des guerriers. Si on regarde les arts martiaux, de quelle façon ils peuvent transformer l'être humain, on avait le Bushido, le code d'honneur du guerrier, qui faisait qu'un vrai guerrier de l'époque féodale japonaise devait non seulement pouvoir dégainer son katana, son sabre, couper une tête, secouer le sang et rengainer avant que tu aies pu plier des yeux, mais qui devait en même temps être capable de faire les plus beaux arrangements floraux. Faire de l'origami, plier, faire du pliage de papier d'une manière extraordinaire. Parce que le guerrier de l'époque, de cette époque-là, qui était extrêmement dynamisé par l'énergie yang solaire, parce que le Japon a eu une évolution extraordinaire, qui a aidé la planète, comme l'Angleterre d'ailleurs en a eu une, et ce guerrier, certains étaient violents, mais le vrai samouraï ne devait pas être violent. Et j'ai déjà conté d'ailleurs une anecdote que je vais raconter ce soir, avant que tu m'interrompes, juste pour expliquer... Qu'est-ce que c'est le guerrier, le réel guerrier du Verseau, le combattant du Verseau? Quelle pourrait être l'idée? Je fais un parallèle avec certains samouraïs qui avaient compris à l'époque. Alors, on avait deux maîtres d'armes qui étaient les plus fines lames de tout l'Empire du Japon. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un les défiait, la personne mourait coupée en plusieurs morceaux, il n'y avait rien à faire. Et ces deux maîtres-là ont décidé à un moment donné de avoir une nouvelle épée. Et les épées, à l'époque, c'était, on avait un culte, un rituel complet pour fabriquer un katana pour un maître. Évidemment, on avait les samouraïs ordinaires qui étaient aussi à la solde d'un shogun ou d'un roi, disons, qui, eux, ne suivaient pas tout à fait la Bushido comme on la connaît au niveau de l'évolution. C'était souvent des êtres non conscients ou des êtres violents. Mais parmi les seigneurs, on avait des êtres extrêmement violents et des êtres extrêmement évolués, qui se sont battus par l'arme, par les armes, et qui ont réussi à un moment donné à donner au Japon un contexte évolutif social un peu plus adéquat. Le meilleur fabricant de l'arme vient voir l'un de ces deux maîtres-là et lui offre ses services. Il y avait aussi à cette époque deux grands fabricants de l'arme, de katana, il y avait plusieurs autres. Lorsque l'autre a su ça, il est venu aussi voir le même maître, qui était le plus grand des deux samouraïs. Et il lui a lui aussi offert ses services. Le samouraï lui a dit, « Je veux bien, je vais prendre vos deux services, mais je vais acheter que la meilleure lame. Alors, vous me faites chacun un katana, et quand ils seront prêts, vous me les amenez, et je vais les vérifier, et je vais prendre le meilleur. » Alors, les deux partent, et au bout de plus qu'un an, reviennent avec leurs sabres. Ils ont été construits selon un rituel absolument magique. Il faut que la personne jeûne pendant longtemps avant de commencer à fabriquer ce sabre. C'est une plaque de métal qui est chauffée, qui est repliée plusieurs fois sur elle-même et qui finit par être amalgamée, soudée sous le marteau et sous le feu. Enfin, il y a plusieurs choses qui rentrent dans la fabrication d'un katana. Alors, ils viennent voir le maître et le maître dit « Parfait, je vais les essayer ». Alors, il sort, il était à Kyoto, qui est encore une des grosses villes saintes du Japon, et il s'en va près d'une rivière qui coulait près de Kyoto. Il prend les deux katanas et les plante dans le fond de la rivière, dans l'eau, une rivière qui était peu profonde. Et il y avait des feuilles qui coulaient, emportées par le courant sur la surface de l'eau. Et le premier katana, le premier sabre, il y a une feuille qui se dirigeait vers lui, et lorsqu'elle a touché la lame, elle s'est coupée en deux simplement. Alors évidemment, tout le monde s'est mis à applaudir. C'est un sabre, fabrique-moi une lame de rasoir comme ça va avoir de la misère. Alors encore plus un épée. Le deuxième katana était un peu plus en arrière. Alors lorsqu'une feuille l'a touché, elle a contourné le katana, mais à peu près à un pouce de la lame. Elle n'a pas touché au sabre. Et le grand samouraï descend dans l'eau et prend ce sabre-là. Alors, il le rengaine et il annonce à tout le monde qu'il choisit ce sabre parce que l'autre a été fait pour tuer et lui a été fait pour préserver la vie. Et ça, c'est le contexte du guerrier du Verseau, du combattant du Verseau, qui est capable de rester en vie malgré l'involution ou malgré les états conflictuels de l'extérieur, et qui, même s'il reste en vie, est capable d'éduquer l'extérieur. Mais la première chose que l'homme doit bien penser, c'est, et là encore là, c'est de ne pas avoir peur de mourir, premièrement. Mais de tout faire pour ne pas mourir. Et si on reprend encore un des axiomes de la Bushido féodale japonaise, que le meilleur des savoir-vivre est le savoir-mourir, ce qui te libère complètement après dans ta vie, c'est encore une éthique de guerrier. Mais l'homme doit tout faire pour rester en vie. Et sans avoir peur de la perte de la vie. Ce qui est quelque chose d'autre. La violence, le combat par la violence, ce n'est pas histoire de rester en vie. Ce n'est pas histoire d'éduquer. Parce qu'on ne doit pas éduquer par la violence. Parce que quand on éduque par la violence, c'est qu'on impose la paix. Et lorsqu'on impose par la violence à quelqu'un, on ne lui donne jamais la possibilité de comprendre, on ne lui donne pas la possibilité que la vie l'instruise. Quelqu'un t'attaque dans la rue, tu te défends. Si tu peux te défendre, tu devrais pouvoir te défendre. Parce que sinon, ton évolution, elle n'est pas en accord avec le contexte de la vie qui tend continuellement à s'échapper de toi. Aujourd'hui, on a une éducation qui rend l'homme docile. L'homme n'a pas besoin d'apprendre à se battre. L'homme n'a qu'à crier, l'homme n'a qu'à gueuler, l'homme n'a qu'à se plaindre, l'homme peut poursuivre en justice, ou l'homme se ramasse dans le fond de l'autre à chacun bloc de ciment, ou, bon, parce que la société s'occupe de la protection de l'homme. L'homme ne mérite plus de vivre. L'homme gagne de l'argent à place. Et l'idée d'être un guerrier, c'est d'être capable... Qu'est-ce que c'est que le guerrier? Le guerrier, pourquoi j'ai pris le terme guerrier ou combattant? Lorsque tu t'en vas sur un champ de bataille, tu dois avoir tous tes sens en état d'alerte. Parce que c'est ta vie que tu vas protéger. Lorsque tu, par exemple, tu t'en vas sur le bord d'un champ, tout d'un coup, tu as une gang de personnes qui, régies par leur degré d'évolution et leur contact astro, décident qu'ils te sautent dessus. Tu te sauves dans le champ, il y a une petite forêt, tu te caches là. Puis là, tu vois la gang qui passe puis qui te cherche. Dans quel état es-tu? Tu es soit dans un état d'humain, de ville, d'un citadin, en train de brunir tes culottes, à te cacher dans un coin, avec une respiration tellement rapide qu'on pourrait te repérer à 150 pieds à la ronde, avec un cœur qui bat la chamade que t'as de la misère à réfléchir parce que tu fais qu'entendre la circulation de ton cœur au niveau du cerveau, tu trembles comme un bon, c'est bien juste que tu broyes pas, puis tu jures que tu sortiras plus jamais le soir à cette heure-là. Comme si t'étais intelligent. C'est le même truc que ton problème. Puis là, t'espères qu'ils te trouveront pas. Si t'es où tu deviens le guerrier, le guerrier, il saute pas sa gang avec un paquet de cris puis il tape sur tout le monde. T'es assis, ton cœur ne va pas trop vite, tu le contrôles. Ta respiration, tu la calmes. T'as couru, faut pas que tu sois trop essoufflé, tu la calmes. Tu restes caché, t'écoutes. Tous tes sens sont en état d'alerte. C'est ça, le combattant. C'est celui qui est capable de se servir au maximum de ce que la nature lui a donné pour pouvoir connaître la vie. Mais là, le guerrier, il goûte à la vie. Et quand ces personnages sont partis, il sort du bois, il rajuste sa cravate, puis il s'en va. Il a pas juré qu'il sortirait plus. Parce qu'il a une attitude de guerrier. Chaque fois qu'un événement vient t'entourer et qu'il y a peut-être violence, douleur, souffrance ou mort d'inscrit dans l'événement, qu'est-ce qui arrive avec l'homme moderne? Il s'écrase. Ou il devient extrêmement violent pour détruire la violence, pour détruire la peur qu'il y a en lui. Ou il s'écrase, puis brunit ses culottes. Et s'il y en a. Rarement, l'homme a une attitude à la James Bond. Une attitude à la n'importe quel héros. Et c'est pourquoi les films prennent temps. On éduque l'homme à ne pas être capable de rien faire, et on le nourrit avec des films, des livres, où on parle de héros. Et lorsque on va dire que la personne qui évolue se doit de devenir un héros, elle, pas copier quelqu'un d'autre, pas prendre une vie d'emprunt, elle-même être capable de s'assumer et d'assumer l'événement dans lequel elle trempe. C'est un guerrier. Celui qui va lutter pour préserver la vie, il commence par préserver la sienne. Ensuite, il peut préserver la vie selon l'intelligence des vies à préserver. Exactement lorsque... quand j'étais ambulancier, lorsque j'arrivais sur un accident d'auto, par exemple, tu as un enfant qui est écrasé dans l'auto, il est mort. Pour l'ambulancier, entre la mort et l'arrêt cardiaque réanimable, il n'y a pas grande différence. Une personne normale va dire il est mort. Elle peut être animée. Il y a tout un paquet de critères de manœuvres d'intervention qui sont codifiés et qui doivent être appliqués, exactement comme dans l'armée, ou comme lorsque tu le vis. Préserver la vie. Au lieu d'un accident, tu commences par observer les alentours pour préserver ta vie. Parce qu'un ambulancier mort, ça ranime pas grand monde. Ça a l'air con, mais on oublie souvent ce phénomène dans notre conscientisation. Je veux aider la pauvre personne, elle est malheureuse, puis toi, tu broyes une fois par mois chez vous. Préserver la vie psychologique, la vie mentale, la vie vitale, la vie physique. Tu commences par ta vie. C'est tout à fait guerrier de préserver ta vie. Bon. Maintenant, tu tu arrives, tu préserves la tienne, tu observes toutes tes blessés et tu commences par t'occuper des extrêmes urgences. Le mort, t'en occupes pas, rien à faire avec. Quel que soit son âge, rien à faire avec. Celui qui tombe en arrêt cardiaque, s'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas en arrêt cardiaque mais qui a besoin de soins urgents parce qu'il va tomber en arrêt cardiaque, tu l'oublies, il est mort. Tu y apprendras. T'occupes de l'autre. Et lorsque tu as stabilisé les blessures d'un cas grave qu'il ne tombera pas en choc ou en arrêt cardiaque, les fractures, c'est jamais grave, sauf une fracture ouverte. Ça fait attendre, ça fait mal, mais il n'en mourra pas. Bon. Là, tu peux t'occuper d'un autre cas. Mais la personne va arriver, t'as 4 adultes et un enfant, l'enfant est mort. Ils vont se garocher sur l'enfant. Pourquoi? Parce qu'ils vont appeler ça de l'amour. Moi, j'appelle pas ça de l'amour, j'appelle ça de la manipulation. Parce qu'ils sont pas efficaces, carrément inefficaces. Et lorsque tu as une attitude de guerrier, tu commences par préserver ta vie, ceux de ta gang, ceux de ta troupe, etc. Mais là, quand tu as une attitude de violent, ben là, tu peux commencer à tuer chez les voisins avec. Puis le guerrier n'est pas violent. On a des guerriers violents, mais c'est pas nécessaire d'être guerrier pour devenir violent. L'homme est déjà violent à la base. Parce que des lois restreignent sa violence, il l'est moins. Mais les lois restreignent pas l'attitude du guerrier. Guerrier, dans le sens que tu l'entends, c'est un combattant, c'est un combat dans la cellule humaine. C'est un combat pour que l'individu garde son individualité, pour que l'individu devienne de plus en plus autonome et désassujetti de l'écosystème dans lequel il évolue. Donc, c'est cosmiquement un individu. Et c'est un combat sans cesse contre tout le flot extérieur qui tend à ramener l'homme dans son sein. Cela veut dire qu'à un moment donné, la personne, elle a besoin de faire du conditionnement physique et celle-là ne lui tente pas. Elle doit lutter. Non pas contrôler sa paresse, c'est pas la même chose. C'est pas elle qui est paresseuse. Elle doit lutter. Le combattant du Verseau, c'est un combattant qui est mental. Et c'est le mental qui va devoir lutter, non pas contre la psychologie intrinsèque à l'individu qui a le mental, mais contre l'extérieur. J'ai déjà expliqué dans une conférence que présentement, on évolue relativement bien parce que tous ceux qui n'évoluent pas ne le savent pas qu'on évolue et donc nous laissent évoluer. Et c'est pour cette raison que l'homme ne parle pas plus publiquement de l'évolution. Et si on dit dans le phénomène que l'extérieur nous laisse évoluer, que c'est faux, alors pourquoi on a peur d'en parler de l'évolution? Parce qu'on nous traite de fous. Bon, puis ça vous fait du mal, vous faites traiter de fous? Oui, donc ça vous empêche d'évoluer? Oui, alors donc vous en parlez pas pour pas que l'extérieur vous empêche d'évoluer. Et c'est justement, l'extérieur nous permet d'évoluer présentement parce que c'est encore ésotérique, c'est encore un peu caché. Il y a de la censure qui s'instaure un peu partout, mais on peut encore évoluer relativement facilement. Certains peuvent voir que dans leurs conditions de travail, ils ont des problèmes, parce que l'extérieur les empêche d'évoluer. Certaines autres vont voir que la famille, par exemple, peut être une condition qui t'empêche d'évoluer. Mais tant que t'en parles pas trop, tant que c'est pas trop trop pire, ça va. Mais il y a un maudit problème, c'est que l'homme se conscientise de plus en plus, donc ça commence à de plus en plus transparaître. Ce qui fait que de plus en plus, on va finir par créer plus... C'est pas compliqué, ben, chaque fois que vous expulsez de chez vous une mauvaise habitude, un contexte évolutif, ben, vous nourrissez l'extérieur qui a de plus en plus d'énergie pour vous taper dessus. Et si on regarde différentes religions sur la planète qui ont une tendance à s'étendre à l'échelle planétaire, c'est leur but. On a des pays orientaux qui veulent le faire, on a des pays de l'Est athées qui veulent le faire, on a des pays islamiques qui veulent le faire, on a pouvoir financier aussi, mais c'est le moins dangereux de la gang. Présentement, juste dans notre contexte d'évolution, tu casses pas la gueule à tous ceux qui disent que t'es fou. C'est pas ça le guerrier. Ça, c'est un imbécile, pas un guerrier, ça. Il va falloir à un moment donné qu'il y a un guerrier qui vienne pour l'éduquer, celui-là. Tu dois être capable de tenir ton point, de pas ton point de vue, pas ce que tu dis, pas ton idée, pas ce que tu communiques, de rester toi. C'est ça le guerrier. C'est celui qui va être capable, à travers tout le monde, de rester lui. C'est celui qui est capable de travailler en collaboration avec tout le monde, lorsqu'il voit une intelligence là-dedans. C'est celui qui est capable de travailler pour aider ceux qui comprennent pas lorsqu'ils voient l'intelligence de le faire. C'est celui qui est capable de travailler à l'envers de tout le monde si personne veut le suivre. En autant qu'il est récent que ce qu'il a à faire est correct. C'est évident, on parle du combattant du Verseau. Alors présentement, moi, ce que je fais, ça va à l'envers de bien des choses. Comme conférencier, au niveau du projet OFSA, au niveau du cours PMC, au niveau de plusieurs choses, ça va à l'encontre. Mais il n'y a rien qu'une maudite différence, c'est que premièrement, je suis un guerrier. C'est-à-dire que je ne veux pas m'imposer. Il n'y a personne ici qui s'est fait ramasser au métro avec un fusil et qui s'est fait amener ici de force. Bon, je ne m'impose pas. Et il y a une autre chose, par contre, c'est que je ne démords pas. Et c'est facile. Si je regarde des systèmes d'éducation, les résultats qu'ils ont, on peut presque dire qu'ils n'ont pas de résultats. Si on regarde des systèmes d'éducation comme le PMC, on a des résultats. Il y a une différence, bien gros. Tu as tellement... juste le fait de vouloir continuer. Prenons juste l'exemple du village OFSA qui apparaîtra un jour ou qui n'apparaîtra pas. Moi, je m'en fous. Ce n'est pas mon village, donc je le dynamiserai pas plus qu'il faut. C'est le village d'une collectivité, alors ils se dynamiseront avec moi ou on le fera pas. Mais c'est intelligent de le faire. Alors, je vais à des places et on me dit que ça... Oui, non, ça n'a aucun sens. Ça fait des millions qui essayent de faire quelque chose comme ça. Il n'y a jamais un qui essaye de faire quelque chose comme ça. Le monde, lorsqu'ils vont là, c'est tout bien beau, mais dans 2 ans après, ça foire, puis ça foirera. Ah, mais ça vaut pas la peine, tu l'essayes, c'est déjà pareil comme ici. Ce sont du monde qui ne sont pas guerriers. Ce sont du monde qui sont... D'ailleurs, regardons bien ceci. C'est que le combattant du Verseau aura ceci de différent des combattants du Poisson. C'est qu'il voudra lutter pour l'amélioration, tandis que l'homme normal du Poisson, qui est en fait un combattant, lutte contre tout ce qui permet l'amélioration. Tout ce qui est neuf, pas bon. 95% de la population. Bien. Alors ici, on a un adage canadien qui dit que quand ça fera 10 ans que les Américains l'auront essayé, ça va arriver au Canada. Fait que l'acupuncture, c'est reconnu, pas encore. En France, c'est reconnu depuis bien longtemps. Les Américains ont commencé à le reconnaître, fait qu'il faut qu'on attende un peu. On le reconnaît à un moment donné. Ils ont réglé tel problème aux États. Ouais, mais ça fait 5 ans. Fait que attends encore un peu. Dans 10 ans, on va pouvoir commencer à l'appliquer ici. Et les États attendent, tout le monde attend. Pourquoi? Parce qu'on a on est relié au plan astral, planétaire, qui tend à étouffer l'envergure de l'homme, qui tend à étouffer l'évolution de l'homme, et qui tend à instruire l'homme que l'homme sera sauvé. Et l'homme sera sauvé par qui? On veut être non-violent. On refuse l'idée du combattant. Moi, je me fais attaquer sur la rue, je vais parlementer. Et s'il y a un coup de poing qui s'en vient pendant que je parlemente, je vais éviter le coup de poing. Et s'il y en a un deuxième, ben je vais peut-être mordre le poing. Je vais m'arranger du moins pour qu'il n'y ait plus de coup de poing et je vais continuer à parlementer. Et si la personne ne veut rien savoir, ben je vais m'arranger pour qu'elle ne puisse plus me toucher, puis je vais m'en aller. Je vais peut-être me sauver. Elle va se lever, elle va me chercher, je ne serai plus là. Je suis un guerrier. Pas été violent. Pas question de violence là-dedans. Mais si on refuse tout ça, on va être sauvé par qui? Par Dieu. Dieu qui va venir avec ses armées. Chance qu'il y a des guerriers des places. Parce que qu'est-ce qu'il ferait à Dieu, pas de guerrier? Il viendrait sur la planète Terre et il dirait « Paix aux hommes de bonne volonté ». L'islam est de bonne volonté, les Américains sont de bonne volonté, les Russes sont de bonne volonté, les Canadiens sont de bonne volonté, tout le monde est de bonne volonté, puis on s'entretue. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Et on a effectivement besoin d'attitudes où, si vous avez raison, et lorsque vous détenez une importance dans l'évolution d'une collectivité, vous devez rester en vie. Et si vous êtes vous-même chez vous, tout seul comme individu, ben vous devez rester en vie. Et si notre condition de vie nous éduque à ne rien faire pour rester en vie, si un jour on aurait à devoir se défendre pour la vie, ben on meurt. Rester en vie, c'est très important, mais rester en vie en santé, c'est aussi très important. Ouais, faut commencer par rester en vie, tout court. Ensuite, faut améliorer l'état de la vie. L'état de la vie physique. Transformer la matière si elle nous nuit. Transformer nos habitudes psychologiques si elles nous nuisent. L'état de la vie vitale. Faut rester en vie vitalement. Quand je parlais, à un moment donné, des échanges d'énergie, où on a des têteux d'énergie qui viennent te siphonner, des vampires, ben, tu dois rester en vie vitalement. Alors, à un moment donné, tu n'es pas violent. Tu dis à la personne, va-t'en, je ne peux plus te voir, tu te sauves, tu t'enfermes, tu raccroches le téléphone, tu te camoufles, tu te caches, tu fais quelque chose. Pourquoi? Parce que la personne, c'est un têteux d'énergie. Hein? On l'a vu qu'une personne qui vient toujours se plaindre de ses problèmes, mais qui écoute jamais tes solutions, veut même se plaindre, elle prend ton énergie. Alors, tu dois être un guerrier. Tu peux aider, tu aides. Tu ne peux pas aider, tu n'aides pas. Toi, en premier. Et si chacun s'occupait de lui en premier, on n'aurait pas les problèmes qu'on a là. Il n'y aura pas de guerre non plus. Il n'y aura pas de guerre non plus, parce que moi, je m'occupe de moi, puis je suis correct comme je suis. Mais parce que il y en a un qui n'a pas ce que moi j'ai, ben puis l'autre, là, m'a allé le chercher, puis je vais le donner. Parce qu'on fait toujours des guerres au nom d'une collectivité nationale, jamais au nom d'un individu. Hein? Alors, ce qui arrive, c'est que tu dois donc entretenir ta vie vitale, et après, la qualité. L'air que tu respires, ce que tu manges comme le public que tu côtoies, tes amis, ta famille, tes constructions, ta maison, tout ça. Tu dois entretenir ta vie psychologique, pas virer fou. C'est-à-dire, tu ne remets pas ta vie psychologique ou astrale entre les mains d'un maître, entre les mains d'un prêtre, entre les mains d'un gourou ou entre les mains d'un dieu. Tu dois être capable d'assumer toi-même ta relation entre des énergies supérieures et toi. Et non pas remettre cette relation entre les mains de quelque chose que tu connais pas. Tu dois donc rester en vie psychologiquement, astralement, et après, tu dois entretenir une qualité de vie astrale. Tu dois rester en vie mentalement et tu dois entretenir une qualité de vie astrale. Donc, pour le physique, c'est pas juste la qualité de la vie, pour commencer. C'est l'entretien de la vie. Reste en vie. Justement, Daniel, je pense que ça rejoint ce que tu es en train d'expliquer. La question qui me venait à l'esprit, c'est que, OK, on a parlé du combattant ou guerrier, comme tu appelles, de l'ère du poisson. On a parlé du guerrier de l'ère du Verseau. Si on parlait, justement, et je pense que c'est ce que tu es en train d'aborder, du guerrier ou du combattant de l'ère pré-Verseau ou de la période avant fin du siècle ou fin du cycle qu'on est en train de passer, parce que on a passé tous nos petits combats, disons que ceux qui font une évolution, et lorsque on avance de plus en plus, bien le combat change continuellement. Et puis, on n'a pas à combattre la même chose un coup qu'on a compris qu'est-ce qui se passait et qu'on a compris le phénomène. Mais c'est toujours un combat en montant. Il faut toujours s'ajuster avec les situations, je dirais même pas journalièrement, mais à toutes les 5 minutes, s'il faut. Et puis, comment justement arriver à lorsqu'on arrive en haute spiritualité et qu'on entre dans le mental, faut faire face à la basse astrale, c'est-à-dire on a fait face avant à la basse astrale, on a eu nos combats avec la basse astrale, après ça avec le médium, et avec lorsqu'on combattait la basse astrale, on savait pas qu'on allait combattre la haute astrale à un moment donné. Non. Mais il faut combattre ça aussi si on veut être capable d'aller plus loin. Et je pense que ça, c'est un combat qui est très important de bien passer, parce que c'est dans la période, c'est dans cette période-là, lorsqu'on arrive dans la haute astrale, que plusieurs se font prendre jusqu'à revirer fou, comme on a plusieurs grands peintres qui, ça leur est arrivé, des artistes, ainsi de suite, ou des gens qui sont morts très, très jeunes, des compositeurs comme Mozart, aux États-Unis, il y en a eu plusieurs aussi, qu'à l'âge de 25, 26 ans, ils sont plus capables de prendre cette énergie-là, soit qu'ils prennent un coup très, très fort, ou ainsi de suite. Comment faire face à ce combat-là, qu'on a commencé, disons, l'ère dans laquelle on pénètre ou on a pénétré. Bon, c'est exactement la même chose. La pratique spirituelle du combat, elle est la même chose que la pratique matérielle du combat. Et lorsque je parle de pratique matérielle, lorsque je parle de combattant, je ne parle pas avec une arme à feu. C'est pas inutile qu'une personne connaisse comment fonctionne une arme à feu, mais ce n'est pas là que se développe le guerrier. Parce que met une arme à feu dans les mains de n'importe qui capable de tuer. C'est pas un guerrier, c'est un tueur. Quand je dis que le guerrier doit préserver sa vie, le guerrier doit préserver la vie sous tous les plans, premièrement. Et le combattant du Verseau va avoir à faire face non seulement à des attaques, à des agressions du plan astral qui vont premièrement lui faire peur dans son évolution, pour lui faire prendre conscience que dans la voie qu'il prend, c'est une voie qui n'est pas bonne. La peur, la culpabilité, si c'est relié à l'attrait religieux, ou la peur satanique, luciférien, fantomatique, etc., pour que la personne revienne dans un droit chemin, celui du plan astral, qui va donner l'illusion à la personne qu'elle s'améliore sans jamais lui donner le contrôle d'elle-même sur elle-même. Tu auras un autre combat qui qui va lentement apparaître, le combat où tu devras lutter contre tes propres schémas conceptuels par rapport à la vision mentale que tu as. Cela veut dire que tu vas voir quelque chose que tu dois faire, mais en même temps, tu vas prendre conscience que tu n'as pas l'énergie pour le faire. Ce qui en a démoli plus d'un. Certains se sont culpabilisés, se sont traités d'imbéciles, je suis mauvais, je suis ce que tu voudras. Tu vois clairement que tu peux pas. Parce que l'homme n'a jamais appris à être patient. Tu commences par voir où tu dois aller. C'est intelligent. Et lentement, accumule tes énergies pour y aller. Quand tu fais un voyage, tu pars pas en avion, t'atterris, puis tu dis, tiens, je vais aller où je suis. Tu commences par voir où tu veux aller, t'en entends parler, tu vois comme il faut, t'as le goût d'y aller, tu ramasses un peu d'argent, t'achètes un billet, tu sais, bon, on a tout... C'est la même chose dans la matière, c'est la même chose dans le domaine de l'astral ou du mental ou du vital. Le guerrier physique, il est capable d'entendre. Et il n'a pas peur, parce qu'il a été habitué à ne pas être manipulé par l'interprétation fautive immédiate de tout ce que ses sens captent. Il connaît la qualité de ses sens. Le combattant du Verseau devra connaître la qualité de ses sens, les erreurs apportées par ses sens dans telle ou telle situation. Je parle de sens physique, mais c'est la même chose au niveau des sens vitaux, qui permettent une forme d'intuition pour beaucoup de personnes. La même chose pour les sens astraux, qui permettent une autre forme d'intuition ou de voyance trompeuse pour d'autres personnes. Il devra connaître non seulement ce sens, mais aussi l'erreur proportionnelle à ce sens. OK. J'aimerais ce que tu donnes, Daniel, un exemple des qualités des sens physiques, astrales, mentales dont tu viens d'énumérer. Là. Bon, alors pas tous parce qu'il y en a plusieurs, mais au niveau physique, on connaît pas mal un peu les sens, sauf qu'on ne sait pas que on est capable, on parlait la semaine dernière, je crois, de l'acuité sélective, où est-ce qu'on est capable d'entendre une conversation parmi un gros brouhaha. Alors, quand tu te promènes, par exemple, chez toi, tu peux sentir aussi un incendie, tu peux entendre des cris. Dans la forêt, c'est la même chose. En automobile, tu t'en vas et soudainement, tu vas percevoir d'une façon oculaire, mais par une programmation mentale, tu vas faire attention à ce que tu viens de voir pour détecter un auto qui s'approcherait trop, des choses comme ça. Au niveau physique, disons que c'est l'essence que l'homme a présentement, mais poussé à un point plus avancé que ce que l'homme a, parce que l'homme abuse régulièrement de ses sens, il ne les aiguise pas, il les étouffe. Son goûter n'est plus bon parce qu'il épice trop et parce qu'il fume trop. Son ouïe n'est plus ce qu'elle était parce qu'il y entend trop de bruits qui ne sont pas perçus. Parce que ce qui rend surtout sourd, c'est pas le tympan qui se solidifie ou le liquide du colimaçon qui devient un petit peu plus dense, mais c'est surtout la capacité qu'a le cerveau de prendre conscience qu'un sens est en opération. Et c'est ce que l'homme tente à développer dans l'énergie vitale, dans l'énergie psychologique, où tu commences à être intuitif, tu l'as toujours été. Tu commences à prendre conscience que tu as ce sens, que tu appelles l'intuition, qui existe au niveau mental, supramental, astral et vital. Donc, lorsque j'entends un bruit, je dis à quelqu'un, « Ah, entends-tu? » La personne, « Ah oui. » Non, mais elle l'entendait, mais elle ne le savait pas tant que je lui en fais pas prendre conscience. Et dans l'évolution, c'est la même chose. On doit faire prendre conscience à quelqu'un de quelque chose. Parce que s'il n'entend pas, il pourra pas comprendre ce que tu veux dire. Donc, les sens physiques, on doit les aiguiser énormément parce que la matière, l'homme la découvre par ses sens. Le sens tactile, le sens gustatif, olfactif, visuel et auditif, entre autres. Au niveau vital, il y a d'autres genres de sens que l'on développe, par exemple, extrêmement au niveau du PMC, parce que c'est un sens qui va faire partie de l'héritage des débutants dans le Verseau, des enfants du Verseau, non pas des adultes ni des adolescents. Le sens vital qui est l'agrandissement de la conscience matérielle de l'homme immédiate. Ma conscience physique, présentement visuelle, se limite à la salle. Ma conscience vitale, par contre, se limite à un demi-mille peut-être à l'extérieur du centre, où je suis capable de percevoir les fluctuations dans l'énergie vitale, je suis capable de percevoir un accident, une chicane, quelque chose, je peux aussi diriger cette conscience vers un endroit particulier pour se connaître ce qui se passe. C'est une conscience vitale qui se développe chez l'homme et qui va se développer de plus en plus. Le maudit problème dans ces intuitions, on a un mot, moi je commence à baptiser là, mais on a un mot qui s'appelle l'intuition. J'ai de l'intuition, je suis capable de voir ce qui va arriver demain. C'est de l'intuition astrale où tu peux lire dans l'astral des choses déjà gravées qui ne sont pas matérielles. J'ai de l'intuition, je suis capable de trouver où c'est qu'une personne a mal, puis je suis capable de la guérir. C'est de l'intuition vitale et non pas astrale. J'ai de l'intuition, je suis capable de trouver une solution à un problème immédiatement quand quelqu'un m'amène quelques coordonnées. C'est de l'intuition mentale, ça n'a rien à voir avec l'astral ou le vital. Mais la personne conventionnelle, elle appelle tout ça de l'intuition. Comme on appelait l'astral souvent, à un moment donné, un paquet de choses. On parlait des astres, de l'astrologie, on parlait du corps, on parlait des émotions. Bon. L'intuition, c'est un sens inconnu de l'homme et qui n'est pas relié au sens physique. Mais dans l'intuition, il y a des sens qui sont vitaux au niveau du corps vital, des sens qui sont astraux au niveau du corps astral, mental et même supramental. Donc, le guerrier va développer ces sens-là comme le sens physique. Comment? Par la pratique. Lorsque tu as les yeux bandés et que tu te promènes, par exemple, dans la forêt ou dans une salle organisée en fonction de ça, et que tu es capable d'éviter tous les obstacles. Parce que les aveugles peuvent le faire, mais les aveugles, on ne les éduque pas à le faire. On leur fournit un chien à place, ce qui est une bonne chose, mais on devrait éduquer la collectivité à se servir de ce sens, qui te sert la nuit, qui te sert... tout le temps. Mais ce qui va arriver, c'est qu'on va dire, oui, mais tu sais, une maison passe au feu. Combien de maisons dans la ville de Montréal qui ont brûlé l'année dernière? Ça veut dire que j'ai une chance sur 40 que ma maison passe au feu. Fait que ça vaut-tu la peine que je me batte, par exemple, que je m'entraîne à détecter des choses? Ça vaut-tu la peine que je détecte? T'sais, bon, c'est le même que l'homme fonctionne parce que l'homme n'a pas l'esprit du guerrier pour l'amélioration. C'est pas de toujours t'améliorer en vue qu'un événement arrive. C'est de t'améliorer en vue d'être sécure. Alors, si tu regardes... Et si je me trompe pas, Daniel, lorsque quelqu'un s'améliore, disons, aiguise ses sens comme ça, ça sert pas seulement qu'à protéger lorsqu'un incendie débute, ça développe un tas d'autres possibilités. Ça fait simplement que lorsque tu vis, tu as connaissance de plusieurs choses. Prends l'exemple ceci. Qu'est-ce que c'est la conscience vitale? C'est des sens vitaux. Qu'est-ce que c'est la conscience astrale? C'est d'avoir des sens précis et sûrs dans l'astral. Ma conscience physique, qu'est-ce qu'elle est? Je ferme les yeux... Je n'entends pas, je ne sens pas, je touche. J'ai une conscience physique. Et tout d'un coup, je commence à sentir. Ma conscience grossit. Et là, je tombe dans un nouveau monde. Tout d'un coup, j'entends. J'entends parler. J'entends des bruits. Ça n'a aucun rapport avec la conscience physique ou olfactive. Je tombe dans un nouveau monde qui peut me faire peur. Parce qu'il y a de l'énergie dans le son, en maudit. Tout va bien, j'ouvre tous ces sens-là et tout d'un coup, j'ouvre les yeux. Et tout le monde, tout l'univers que j'avais imaginé à partir de l'oreille, du toucher, du goût et de l'odorat, tout cet univers change, disparaît complètement pour qu'un autre univers apparaisse. Un univers avec des formes, des couleurs que je n'ai jamais entendues, avec des formes que j'avais dessinées mais que je n'avais jamais pu saisir, avec des distances que je ne connaissais pas, avec tellement de choses. Et là, je suis paralysé, je dois connaître ce sens, je dois apprendre à fermer mes yeux, je ne peux plus dormir avec le sens ouvert, sinon je dois me mettre dans un endroit où il n'y a plus de lumière, où il n'y a plus de transport, disons, pour affecter ce sens, mais je viens d'arriver dans une conscience écœurante. Et si tout le monde est aveugle, je suis un des plus grands initiés sur la planète, je vois. Je suis capable de dire à un homme, un aveugle, « Telle place, il y a telle chose. » Va en ligne droite et tu vas y arriver. Et lui part, et s'il ne me croit pas, parce qu'à un moment donné, là, il est plus sûr, là, il décide de ralentir, il y a un pas qui avance moins, il vire un petit peu, il se fait embarquer, il n'y arrivera pas. Mais moi, je vais lui dire, tu viens de changer de place, continue. Lui peut me dire qui t'es pour me dire quoi faire. Je vois. Je vois. Qu'est-ce que ça veut dire, je vois, pour un gars qui voit pas, qui n'a jamais vu? Ça veut rien dire. Rien. Alors, la personne, elle va devoir, à un moment donné, développer la vue. Et c'est ce qu'un, disons, un homme intelligent qui a la vue va enseigner. Développer la vue. Lorsque l'on tombe dans un autre schéma, les sens physiques, la vue, c'est ce qu'il y a de plus haut. Soudain, tu as une intuition vitale. Tu commences à développer un sens vital qui te permet de, l'autre bord d'un mur, de voir ce qui se passe. Pas que la vision oculaire, pas des images dans ta tête. C'est ce que l'homme s'imagine. Ça, c'est l'interprétation faite par la pensée d'une perception extrasensorielle. Lorsque tu perçois, tu commences à savoir des choses. Première chose, tu te crois pas. Tu doutes. T'en as peur. Tu vois un fantôme, c'est extraordinaire, mais t'en as peur. C'est pas épeurant. Quand tu ouvres les yeux, tu vois un tas de marde à terre, disons. C'est pas nécessaire d'épiler dedans. Hein? Quand tu vois le fantôme, t'en as peur. Mais c'est mauditement plus sûr si tu le vois que si tu le vois pas. Mais c'est bien plus peurant pour l'homme quand il le voit que quand il le voit pas. Parce que si tes yeux fermés, tu peux être dans quelque chose de gluant, ça dérange pas. Si tes yeux ouverts, pis tu l'as vu, puis tu peux sentir, puis tu peux toucher, si t'as trop ça dérange. Pis c'est comme ça pour tous les autres sens. Ils font peur à l'homme, mais ils ouvrent la conscience de l'homme. Et le guerrier, c'est celui, le combattant, c'est celui qui est toujours en état d'alerte. C'est ça qu'il faut que l'homme développe chez lui. Tu facilites ton évolution parce que t'es moins charrié. Tu charries pas un combattant comme tu charries une personne qui combat pas. Tu rentres dans un village, 2 combattants, 300 non-combattants. Il y a un loup mangeur d'hommes qui s'approche. Tout le monde a peur, sauf 2. Ces 2-là se disent « Ouais, parfait. » Sors les bébelles, ils se préparent. Ils vont aider la population. Pas parce qu'ils veulent l'aider. Parce qu'ils veulent pas, ils veulent pas mourir non plus. Mais tout le monde a peur. Là, tout le monde dit « Ah oui, on va goûter. » Puis là, t'en fais des chefs, ces combattants-là. Puis c'est ça qui est le problème, parce que du moment qu'une personne commence à avoir du pouvoir, elle veut pas, il se fait gruger par l'astral, puis il devient... bon. Mais dans tout ton village, il y a 2 qui ont pas peur. Est-ce qu'ils sont habitués à se battre contre des loups? Non. Mais par contre, ils connaissent le sens, ils ont confiance en le sens, ils connaissent leur capacité et leurs limites, puis sont capables de pousser leurs limites un peu plus haut, pas en cas qu'un loup arrive, simplement qu'ils agrandissent leur conscience physique. Leur conscience vitale se développe parce que dans l'esprit du guerrier, dans l'esprit du combattant, tu développes ta conscience vitale. Quand t'es perdu dans le bois, puis que t'entends quelque chose, t'es en alerte. Mais il y a tout ton corps vital au complet qui va percevoir, mais tu peux pas analyser. Et il amplifie énormément ce qui va être perçu par l'audition, par exemple. Ce qui fait qu'un écureuil qui marche dans le bois fait autant de bruit qu'un ours le jour. Pas parce que ta psychologie crée l'ours, parce que tu entends des bruits beaucoup plus forts. Mais plus fort parce qu'il y a un canal créé par ton énergie vitale qui permet au son de voyager et de ne pas être diminué par la distance. Et ton oreille le perçoit et c'est plus fort. Mais c'est extraordinaire. Mais non, c'est épeurant. Au lieu d'être extraordinaire. Parce que la personne n'arrive pas à faire le lien entre son audition simple et l'audition supportée par l'énergie vitale. Une autre personne va être dans la forêt et soudain, elle va dire « Il y a présence humaine quelque part. » Ça va. Quand tu passes proche d'un cimetière et tu perçois quelque chose de, disons, de maléfique, de bas en vibration, ça te fait peur. T'aimes bien mieux ne pas le percevoir. Ben, c'est ça l'évolution de l'homme. Il ne veut pas percevoir. L'homme est une autruche, on l'a déjà dit. Et parce que ça lui fait peur. Mais moi, j'aime bien mieux passer proche d'un cimetière puis percevoir toutes les entités qu'il y a là que de passer de rien percevoir. Parce qu'ils sont là pareil. Mais je suis mathématiquement plus sûr si je sais où ils sont. Sauf si je me fais embarquer par ma peur. Les sens, c'est des choses que l'homme va développer et l'état du combattant. Tu es dans une société où tu dois survivre. Pas parce que les autres, c'est des maudits cochons. Non, ça n'a aucun rapport. Simplement parce que tu as des sens qui sont ta conscience. Conscience physique, sens vitaux, conscience vitale, sens psychologique ou astral, conscience astrale, sens mental, conscience mentale, et tu évolues comme un entonnoir à l'envers. Est-ce que la pratique de développer ces sens-là, Daniel, va hausser le taux vibratoire d'un individu? Automatiquement, parce que tu développes un sens vital si tu as un corps vital adéquat. Par contre, tu peux rendre adéquat ton corps vital si tu perçois qu'est-ce que je veux dire par, ou qu'est-ce qu'on veut dire par sens vital, ce qui fait que tu es capable d'ajuster ton énergie, et cela se fait par la pratique, pour que ça fonctionne. Et le résultat, tu l'as. Exactement comme lorsque je te dis, calme ta respiration. Tu calmes ta respiration volontairement, ça ralentit ton cœur, puis t'es moins nerveux. T'as-tu calmé ta nervosité? Tu n'as même pas touché ta nervosité. T'as calmé ta respiration. T'as calmé ton cœur automatiquement, et ça t'a calmé automatiquement, même dans ta psychologie. C'est la même chose, tu peux ajuster par certaines pratiques, différentes choses, et tu évolues, tu développes ta conscience. Tu augmentes ton schéma d'énergie parce que tu apprends aussi à le conserver, parce que le combattant perd pas son énergie, il marche pas pour rien, il se bat pas pour rien. Quand on parle de se battre, on parle sur tous les plans. On va peut-être revenir un peu de toute façon avec les questions au niveau des combats par rapport à l'astral. C'est ça. Alors, je te remercie beaucoup pour cette première partie de la conférence. Pour le bénéfice de ceux qui viennent pour la première fois, nous avons une deuxième partie qui dure aussi une heure, qui est une partie de questions. Alors, à ce moment-là, vous pouvez écrire vos questions sur des feuilles de papier qu'on va passer sur les tables, et puis vous les remettez ici à l'avant. Et puis pour la deuxième partie, c'est Guy qui va poser les questions à Daniel. Alors, vous allez avoir des réponses sur les questions qui vous sont venues pendant la première partie. J'aimerais aussi vous rappeler que ici il existe une tradition qui veut que chaque fois qu'un